Pensionnaires. L'une avait 15 ans, l'autre en avait 16. Toutes deux dormaient dans la même chambre. C'était par un soir très lourd de septembre. Frêles, des yeux bleus, des rougeurs de fraises. Chacune a quitté, pour se mettre à l'aise, la fine chemise au frais parfum d'ambre. La plus jeune étend les bras et se cambre, et sa sœur, les mains sur ses seins, la baise, puis tombe à genoux, puis devient farouche et tumultueuse et folle, et sa bouche plonge sous leur blond dans les ombres grises. Et l'enfant, pendant ce temps-là, recense sur ses doigts mignons des valses promises, et, rose, sourit avec innocence.